Soin de votre corps, c'est le seul endroit où vous êtes forcé de vivre. Quelle est l'identité de genre d'une personne? Exactement, comment se sent? Perdu la tête, où est le chemin de ma mère? Et pour qui sentis attraction sexuelle affective? Ah, pour d'autres femmes. Elle deja de ser mujer, pour ça? La santé. Es imposible disociar nuestra identidad y nuestro cuerpo. El cuerpo para nosotras es una herramienta de lucha. Dans un corps sain. Au bord des corps. Bonjour les auditeurs. Je suis très heureuse de vous retrouver. Pour ce premier épisode de notre nouvelle saison, je vous propose de repartir sur les liens entre neuroatypie et militantisme. Cet épisode parle donc de psychophobie, de troubles psy, de différentes pathologies, évoque la dépression et aussi le rapport à la mort et au suicide dans un court passage. Épisode 2, neuroatypie, violence psychophobe protéiforme, on s'organise comment ? Pour rappel, une oppression systémique, comme l'a conceptualisée la chercheuse afroféministe Aida Yancy, comporte quatre dimensions. Une dimension interpersonnelle, des discriminations qu'on dit ordinaires, mais c'est-à-dire quotidiennes dans des interactions courtes. Une dimension structurelle, véhiculée par les politiques qui elles-mêmes peuvent être racistes, psychophobes, transphobes, dans leur agencement et dans leurs caractéristiques. Une dimension historique, par exemple pour le racisme, le poids de l'esclavage, et une histoire qui imprègne toujours les discours actuels. Et enfin une dimension institutionnelle, donc pour le racisme comme pour certaines autres oppressions, on la retrouve par exemple dans les violences policières. Dans ce podcast, je vais tenter de démêler un peu ce qui semble être la plupart des enjeux et thèmes qui touchent à la santé mentale et que l'on retrouve de plus en plus en circulation, notamment dans le milieu queer militant. Certains haines parmi vous savent que je m'identifie comme neuroatypique, par opposition à ce qui serait un fonctionnement neurotypique. Pour rappel, la neurotypie et les neuroatypies, qui en seraient un miroir, ne sont pas quelque chose de clairement défini, de stable ou d'unique. Revenons sur ce terme donc. La neurotypie, ça veut juste dire qu'un fonctionnement neuronal, psychique, il y a beaucoup de flou et de disputes sur les termes à utiliser, paraît conforme à la norme. Comme pour tout, cette norme est floue car elle est avant tout sociale. Grosso modo, être neurotypique impliquerait de ne pas avoir trop de difficultés à se conformer au monde social dans lequel on vit, à agir sans trop de difficultés comme l'ensemble de la société semble préconiser. Une société qui bien sûr est elle-même complexe et bancale, mais en gros, les personnes neuroatypiques, de leur côté, ont généralement recours à ce terme parce que, vraiment, leur manière de fonctionner leur font ressentir d'importants décalages. Les mots neurotypiques et neuroatypiques viennent des communautés de personnes autistes. Par la suite, de nombreuses personnes avec d'autres types de vécu et ou d'autres diagnostics l'ont réutilisé. I'm a weirdo, that's what everyone says. Sometimes I don't know what people mean when they say things. Sam, people on the spectrum date, you know. Girls don't really notice me at all, and I'm not great at picking up signals. Comme tant d'autres mots, il est de plus en plus utilisé, à tort et à travers. Et comme tant d'autres mots, tout plein d'institutions, capitalistes, étatiques, etc., essaient de se le réapproprier à leur tour et d'en extraire le sens politique. Dans mon idée de repolitiser la notion de neuroatypie, c'est parce que j'ai l'impression de voir là-dedans, dans ces mouvements de revendication, de troubles psy, de neuroa actuels, que ça s'inscrit dans les mouvements plus généraux qu'on a ces dernières années de repartir de l'individuel, qui est un peu aussi une façon dont l'Occident tente de se réapproprier des mouvements et des pensées venues de son extérieur, ces pensées décoloniales, de reprendre en compte l'intersection des oppressions qui se caractérisent au sein d'un ou du même individu, donc de recomplexifier soi. Et dans cette société qui est justement très individualiste, ou en tout cas, est très individualisante aussi, c'est-à-dire où le sujet en tant qu'individu a beaucoup de place, où on pense beaucoup en tant qu'individu, ce qui n'est pas le cas de toutes les sociétés, toutes les cultures. Les contestations sociales ces dernières années, notamment avec les nouveaux espaces de parole, les podcasts, les réseaux sociaux, ont permis justement une floraison de ces témoignages d'expériences vécues différentes pour faire des ponts aussi entre elles. C'est ce qui s'est passé aussi avec MeToo, de partir du spécifique. Et du coup, de parler aussi de ses propres troubles psy ou de son propre fonctionnement psychique, c'est assez logique, ça va dans la lignée des mouvements queer, des mouvements féministes, des mouvements antiracistes de ces dernières années qui sont très présents autour des questions d'identité, qu'on peut remonter selon les mouvements, selon les contextes, aux années 60, aux années 90 par exemple pour les théories queer, et qui a pris de plus en plus d'essor depuis les années 2000. Or, je trouve intéressant aujourd'hui d'essayer maintenant de dépasser ça, cette juste pluralité d'expériences vécues, pour tenter de politiser ce que ce serait de les réunifier et de ne plus seulement dire d'où est-ce qu'on parle, mais comment on se transforme et où est-ce qu'on va. Et ce que je veux faire ainsi par ces séries de podcasts et avec vos témoignages, si vous m'en envoyez, c'est de penser et d'apporter un peu de mouvement dans les grilles actuelles d'interprétation. C'est d'apporter une manière de relativiser les diagnostics. D'où ma démarche dans cet épisode, d'essayer de relativiser les diagnostics en les remettant dans un contexte général qui peut être tant individuel que plus historique, social, économique. Mais sans que ça soit une manière de relativiser qui donne du grain à moudre aux arguments psychophobes. Ces arguments qui soit justement forcent le trait, pathologisent des humanistes, soit au contraire relativisent tout en disant qu'on est tous un peu fous, folles, tous pas très normaux, tous neuroatypiques ou qu'on a tous des troubles psy. Ce qui nie du coup et invisibilise les particularités propres qui souvent sont très nécessaires, mais elles sont très nécessaires aussi parce que pertinentes selon des différents contextes. Un autre terme que j'utiliserai dans ces podcasts est celui de psychiatriser. Je l'entends au sens large comme pouvant être employé par et pour toute personne qui ressent ou a ressenti un stigmate vis-à-vis de ce qui semblait transparaître de son fonctionnement psy, jugé non conforme à une norme, que cela les conduite ou non à être amenés devant des dits professionnels, et que cela soit venu ou non de l'imposition d'un regard extérieur sur soi, ou bien d'abord d'un ressenti personnel. On me dit de ralentir, j'en ai pas envie. Maman dit que je vais pas bien. Je comprends pas ta rue. Papa dit que je perds la tête. Je comprends pas ta rue. Je suis bloquée dans mon lit. Ça fait des semaines que j'en suis pas sortie. J'ai plus faim, j'ai plus envie de rire. Quelques rappels supplémentaires. Les diagnostics ne sont pas des vérités brutes en soi, sur soi. Ils sont établis par des élites intellectuelles médicales à partir du croisement de plusieurs modes de comportement retrouvés chez un certain nombre de personnes. À partir de ces observations, la médecine occidentale établit des classifications pour tenter d'avoir une grille de lecture commune et proposer des réponses adaptées aux souffrances spécifiques des différents groupes. Ces observations comportent forcément de nombreux biais, des choses qui ne sont pas prises en compte, ou alors trop simplifiées, ou mal faites, ou influencées par d'autres intérêts et des lobbies. Par exemple, le fait de diagnostiquer des troubles érectiles chez des hommes cis, c'est-à-dire de pathologiser une variation des modes d'érection, a été beaucoup influencé par les industries pharmaceutiques productrices du Viagra. Les normes fabriquées comme ici celles d'une sexualité érectile pour les personnes qui ont des pénis sont le reflet et les conséquences directes de nos organisations sociales, avec toutes les inégalités, les dynamiques oppressives que celles-ci impliquent. Dans une société capitaliste néolibérale, les normes servent donc à maintenir la course à la croissance via des classes sociales plus aisées que d'autres qui vont recourir à la main-d'œuvre et aux soins des autres groupes sociaux qui sont elles aussi hiérarchisées entre elles. Et donc tout ça structuré autour du modèle de la famille nucléaire et hétérosexuelle afin de bien tout organiser et maîtriser. Toute cette structuration, qui par la suite a été présentée comme naturelle, alors qu'en fait elle est très récente, elle date quand même plutôt du 19e siècle, tout cela donc a des conséquences en termes, entre autres, d'entretien du mythe de la méritocratie, qui lui-même se base sur des repères validistes. Les personnes qui, pour des raisons physiques ou psychologiques ou les deux, se retrouvent incapables ou seulement partiellement capables de contribuer à cet effort économique, vont être considérés au prisme de l'insertion à tout prix. La société va chercher à leur trouver un rôle, à régler leur corps, leur psyché, pour qu'elles puissent participer à l'organisation sociale et économique dominante. Ça peut passer par des traitements, Ça passe aussi par des politiques qui vont les forcer à se tourner vers l'emploi. Ça passe par des discours sociaux et culturels valorisant l'insertion, le travail à tout prix pour les personnes dites en situation de handicap et ou neuroatypiques. Et si les différences persistent, et ben selon les cas, notamment selon les profils et les positions de certaines personnes, c'est-à-dire aussi à l'échelle des autres dominations, des autres oppressions systémiques, de race, de classe, de religion, etc., et elles se retrouvent pathologisées et souvent, par cela, d'autant plus discriminées. Par exemple, quand on parle des enfants qui ne tiennent pas en place, c'est-à-dire, le plus souvent dont on parle là, c'est eux qui ne se conforment pas au fait de rester assis et concentré sur les mêmes tâches décidées en avance par l'école de l'éducation nationale, sachant que cette organisation scolaire vient elle-même de base des horaires calqués sur l'usine, donc rien de naturel là-dedans. Et bien, parmi ces enfants-là, selon le croisement avec d'autres oppressions systémiques, par exemple la racialisation, selon leur classe sociale, etc., et bien on va les considérer comme déviants. Selon ce qui prédomine dans ce que la société perçoit d'elle, c'est-à-dire leur racialisation, la classe sociale ou autre, certains vont être diagnostiqués, d'autres vont hériter de stéréotypes classistes racistes. Et parmi les personnes qui peuvent se retrouver diagnostiquées, on va notamment leur attribuer un TDAH, trouble d'attention et de l'hyperactivité, qui appelle alors à des mesures particulières pour tâcher de les adapter à l'école telle qu'elle est pensée par l'État français. Cette adaptation, elle peut passer par des outils de formation spécifiques, mais qui cherchent surtout à terme à réinclure à tout prix ces enfants dans les cours pour qu'ils soient ensuite réinclus à plus large échelle dans la société, et il faut entendre par là sur le marché du travail. Si les formations ne suffisent pas, il peut y avoir aussi une délivrance de médicaments, par exemple la Ritaline, qui est censée calmer leur hyperactivité. Et pour les cas qu'on ne parvient vraiment plus à caser dans l'éducation nationale, on met en place une procédure d'ostracisation, c'est-à-dire qu'on les met dans des lieux dédiés, qui reste en fait la meilleure manière que le système ait trouvée de faire le tri, de ne pas perdre trop d'énergie avec celles qu'ils n'arrivent pas à caser. J'ai pu observer cela lors de mon expérience d'accompagnante des élèves en situation de handicap dans un collège. Bien sûr, ce que je critique ici, c'est l'entièreté du système, ses dysfonctionnements, parce qu'ils sont calqués sur le modèle du capitalisme néolibéral et de la croissance. À l'intérieur de ce système, il y a des individus et des institutions qui parfois ont beaucoup de bonne volonté et n'ont juste pas de solution et sont obligés de recourir aux institutions dédiées, spécialisées et parfois enfermantes à défaut d'autres solutions politiques et sociales. Le système n'a pas pour ambition de se remettre en question, de changer, de s'adapter aux pluralités d'envies, de besoins. Il doit poursuivre son fonctionnement néolibéral et il reste toujours empreint des mêmes biais colonialistes, validistes, sexistes, etc. qu'il n'a jamais fondamentalement traité et remis en question, et pour cause, c'est ces mêmes biais, c'est ces mêmes différences et inégalités qui lui permettent de fonctionner en exploitant plusieurs parties de la population. Alors oui, on l'aura compris, les diagnostics sont valables dans une société donnée. Et ils sont loin d'être exempts de construction sociale et donc de dynamique de pouvoir. En revanche, comme tout ce qui résulte des catégorisations des pouvoirs en place, parce qu'ils mettent le doigt sur des réalités à des moments donnés, nous pouvons aussi nous les réapproprier et revendiquer la prise en compte de nos différences vis-à-vis de ce système qui nous broie. I'm this fat, struggling, queer dyke, and that is my identity, you know what I mean? My life is harder than anybody else's! S'auto-diagnostiquer, ça fait partie de ces gestes qui se réapproprient le discours sur soi et demandent à la fois à ce qu'on reconnaisse nos spécificités de fonctionnement et nos besoins, mais également que l'on ne réduise pas toute notre personne à ces mêmes parties de nous. Le diagnostic n'est qu'une partie des choses qui participent à nos personnalités, voire à nos identités. De manière générale, il est assez vain d'essayer de trouver une racine explicative de nos manières de fonctionner et de nos souffrances. Ce qui se passe dans nos têtes est soumis à tellement de facteurs, de contextes, de relations et d'événements sociaux. Souvent des choses extérieures réactivent des traumatismes et viennent se greffer à d'autres trucs, des insécurités du passé, des particularités héréditaires. Nos ressentis eux-mêmes peuvent beaucoup évoluer. Et même des ressentis a priori similaires d'une personne à une autre gardent leurs particularités propres dans leurs sources, leur manière de s'exprimer, leurs besoins. Au-delà des ressentis, beaucoup de ce qu'on appelle nos capacités cognitives peuvent elles aussi évoluer de différentes manières, à différents degrés selon les individus. Par exemple, le QI évolue, les façons d'appréhender nos émotions évoluent. Ce qui ne veut pas dire que tout chez nous a la possibilité, l'espace, le temps et la nécessité d'évoluer non plus, et puis pas l'infini. À ce propos, je me suis intéressée aux travaux d'Alexandre Baril, un chercheur que j'ai déjà cité dans le premier épisode de cette série. Il est professeur adjoint à l'École du service social de l'Université d'Ottawa et spécialiste de la diversité sexuelle, de genre, de corps et capacité. C'est un chercheur trans qui a aussi travaillé sur la santé, le handicap et le suicide. Dans un de ses articles, il revient sur l'évolution des différentes approches du handicap, dans les mouvements et les études sur le sujet. Il cite chronologiquement un premier modèle qu'on appelle médical. Suivant les guerres mondiales, le modèle médical est essentiellement focalisé sur la prise en charge des mutilés de guerre ou des accidentés du travail. Le handicap est alors conçu comme une pathologie individuelle qu'il faut traiter ou guérir pour la société. Un autre modèle apparaît ensuite à partir de 1968 et au fil des années 70, notamment à l'initiative de personnes et de mouvements sociaux qui dénoncent la vision capacitiste, validiste, termes peuvent être utilisés, du premier modèle. Ces mobilisations revendiquent une certaine radicalité. Elles viennent s'opposer au monopole des associations dites gestionnaires, telles que l'APF, c'est-à-dire cette première vague d'associations qu'on avait après la Seconde Guerre mondiale. Et l'APF, c'est l'Association des paralysés de France. Ce nouveau modèle, qu'on va qualifier de modèle social, revendique des politiques d'accessibilité et interprète les vécus dans une perspective marxiste. Il attribue la source des handicaps directement à la société capitaliste productiviste, c'est-à-dire au rapport de pouvoir. Dans la perspective du Comité de lutte des handicapés, le CLH, et du Journal des handicapés méchants, les personnes dites handicapées s'identifient comme faisant partie de la classe ouvrière la plus exploitée. Et elles réclament l'autonomie physique et l'indépendance financière en s'opposant à la ghettoisation et la politique des rendements, que celle-ci s'applique à des travailleuses valides ou non valides, puisque à ce moment-là, on demande à tout le monde de travailler. Ces mouvements aspirent majoritairement à renverser l'ordre établi en prenant cette fois le handicap comme norme et en renvoyant la maladie du côté de la société. C'est ce qu'explique notamment Gildas Breguin, historien du handicap, dans le podcast LSD intitulé « Handicap, hiérarchie des vies » que je vous conseille. Sous l'impulsion de ces mobilisations, les organisations internationales évoluent. Elles changent leur rapport au handicap et elles vont prendre davantage en compte l'aspect social du handicap. Ainsi, en 1976, l'ONU met en place un congrès d'expertes qui s'intéresse aux barrières sociales vécues par les personnes porteuses de handicap. Le modèle social du handicap préfère d'ailleurs parler d'incapacité plutôt que de handicap. C'est pour ça qu'on parle de capacitisme. Vous vous souvenez ce que j'ai employé comme synonyme de validisme? Le terme d'incapacité permet de renvoyer au fait que ce qui est appelé handicap, que ce soit physique ou mental, est directement lié à un environnement spécifique. En réponse au modèle social, le premier modèle, qui était le modèle basé essentiellement sur l'approche médicale, vient à son tour faire sa critique. Il reproche au modèle social de tout ramener au social, du coup, et d'ainsi délégitimer les souhaits et les besoins individuels de cure et de traitement de beaucoup de personnes concernées, dont renverser l'ordre social n'est pas directement la première priorité. Le modèle médical prétend également que tout ne peut être ramené à des causes et des solutions sociales, en insistant sur l'existence de handicap, qu'aucune adaptation de la société à leur situation ne serait jamais en mesure de pallier complètement et produisant ainsi des souffrances en dehors même du cadre social. Là-dessus, en réalité, c'est un peu difficile à dire et c'est un peu vain finalement de chercher à vouloir absolument déterminer les causes de tel ou tel mot. Qu'est-ce qui est social? Qu'est-ce qui serait strictement médical? Comme s'il y avait de toute façon une totale frontière entre les deux, sachant qu'on évolue dans un environnement qui à la fois fait de phénomènes physiques, sociaux, etc. et que tout est entremêlé. Et du coup, c'est un peu une manière de détourner le sujet du renversement des rapports de force et des rapports sociaux que de d'éterniser le débat autour de « mais quelle est la cause de nos grandes maladies et de nos malheurs ?» À ce niveau, l'une des principales critiques faites au modèle social est de pouvoir s'appliquer avant tout et surtout au handicap dit typique, le plus souvent physique et visible. Sur cet affrontement de modèles a alors surgi un troisième modèle issu des critiques du handicap et du mouvement CREEP, un mouvement qui émerge dans les années 2000, en tirant ses inspirations tant du modèle social du handicap que des théories queer. Ce dernier modèle, il s'appelle socio-subjectif, et il cherche à concilier, tout en les dépassant, les deux modèles précédents. Il met en lien à la fois une dénonciation du capacitisme de la société, tout en prenant en compte les expériences subjectives. Dans l'ouvrage « On Our Own », Jody Chamberlain écrit notamment que oui, les problèmes mentaux existent en tant que tels, mais que les maladies mentales sont des catégories créées par les structures sociales qui entendent contrôler les corps et tout renvoyer à la responsabilité individuelle. On peut y voir un lien ici avec les différentes approches et croyances sur ce qui est ou non de l'ordre de la normalité, de la croyance ou du mysticisme. Au sein de cette approche, les pensées intersectionnelles permettent elles aussi de prendre en compte la manière dont certaines maladies ou certains discours sur la folie résultent d'un croisement entre plusieurs oppressions et stéréotypes, tant sexistes, racistes, classistes et autres, qui influencent les catégorisations et la hiérarchisation des vies. Dans le podcast LSD Handicap, la hiérarchie des vies, que je citais déjà tout à l'heure, il est notamment mis en avant un lien très fort entre racisme et validisme, qui est à l'origine de nombreux meurtres par les forces policières de personnes racisées, notamment perçues comme noires ou arabes. Comme le rappelle le podcast, ça a été notamment le cas de Babacar Gray, qui a été tué par la police alors qu'il était en crise psychotique et qu'il ne présentait pas de menace pour quiconque d'autre que lui-même. Dans la lignée des mobilisations des années 1970, se sont constituées de nombreuses autres que l'on retrouve dans les mouvements anti-psychiatrie qui sont venus critiquer le système de pouvoir qui s'exerce sur nos corps. On retrouve, par exemple, la psychothérapie institutionnelle, qui revendique et expérimente l'abolition des hiérarchies entre soignanteux et soignés, le soin de l'institution psychiatrique et des institutions de manière générale, et la primauté à la vie en communauté. Il y a également différents modèles qui ont été expérimentés, comme celui de la paire aidance, ou des personnes qui ont été ou qui ont toujours des troubles ou atteintes psychologiques ou psychiatriques particuliers, et qui, on s'estime dans un état plutôt stabilisé, vont aider d'autres personnes également concernées. On a même ce genre de modèle au sein des hôpitaux psychiatriques, parfois. Face au manque de réaction des pouvoirs publics, plusieurs collectifs ont même œuvré par l'action directe, telle que l'association toulousaine Handisocial, qui a organisé l'enfarinage du député Adrien Taquet en 2018, le blocage de la gare de Toulouse ou encore de l'aéroport de Toulouse à Blagnac, ce qui a amené ces militanteux de cette action à vivre un procès qui s'est avéré extrêmement humiliant et validiste. Là encore, je vous renvoie à la série podcast LSD qui revient là-dessus. On peut également citer l'association du CLÉ, le collectif Lutte et Handicap pour l'égalité et l'émancipation, ou encore le collectif féministe des Dévalideuses, qui font elles aussi un gros travail de critique et de dénonciation publique des politiques institutionnelles. Notons que la France est d'ailleurs internationalement plutôt vilipendée pour ses politiques en matière de handicap. Oui, j'utilise des mots vilipendés, ça veut dire fortement critiqué, on va dire. L'ONU l'a même condamné en 2021 pour la perpétuation de ses politiques enfermantes, faisant de la privation de liberté des personnes estimées handicapées une norme, en faisant la privation de liberté plutôt une norme pour les personnes estimées handicapées. Le chercheur Alexandre Baril, précédemment cité, s'inscrit dans la troisième approche socio-subjective du handicap. Et comme évoqué dans le premier épisode, il en étend la recherche pour y intégrer une nouvelle approche du suicide. En effet, le chercheur reproche aux deux modèles précédents, c'est-à-dire le modèle strictement médical et le modèle strictement social, d'être trop enfermés dans leurs injonctions à la vie et à la futurité, au point de discréditer et de réduire au silence les sujets suicidaires. La volonté de mourir est ainsi constamment dépeinte comme quelque chose d'autant irrationnel qu'illégitime, la seule voie de sortie tolérée vis-à-vis des pensées suicidaires devant être la lutte contre celles-ci. Good news, that's all they wanna hear. No, they don't like you when I'm down. But when I'm flying, no, it makes them so uncomfortable. So different, what's the difference? Au contraire, pour le suicide, comme pour l'ensemble des vécus des personnes psychiatrisées et ou porteuses de handicap, Alexandre Baril prône une politique fondée sur la compassion, le respect et l'imputabilité. C'est-à-dire en reconnaissant à la personne son statut de sujet de sa vie, une notion vaste qui conduit ensuite à nous interroger collectivement sur les enjeux de responsabilité des actes liés à des situations psy ou de handicap, et à la manière de nous préserver les uns et des autres. Petite parenthèse réflexive. En ouvrant sur le diagnostic et en essayant de retrouver la démarche d'Alexandre Baril, j'essaye d'introduire ici en quoi s'intéresser au mouvement des revendications, des troubles psy et des neuroatypies d'aujourd'hui, c'est une nouvelle façon aussi de reposer des questions militantes, très politiques, sur la question du soin, de la responsabilité et de la justice communautaire. Car si l'on souhaite sortir d'un système du tout carcéral et du punitif, on prend justement davantage en compte les personnes dans leur complexité. Donc en essayant de comprendre la démarche d'Alexandre Baril, j'essaie de repolitiser les questions neuroatypiques dans une perspective anarchiste qui cherche à lutter contre toutes les formes de domination. Ainsi, je me demande en quoi le mouvement actuel de visibilisation des neuroatypies peut être un enjeu de compréhension de l'autre et de revendication d'un soin de soi, des autres, du collectif, sans que cela se fasse au détriment d'autres personnes et justement aussi des avancées à une échelle plus collective. C'est-à-dire sans ériger le fonctionnement d'une personne en additionnant tous les fonctionnements de plusieurs personnes comme une nouvelle forme d'organisation. Dernièrement, je discutais avec une journaliste militante qui justement a dit quelque chose que j'ai trouvé très juste. C'est qu'autant c'est important d'être entendu dans nos vécus spécifiques et c'est très important qu'il y ait des espaces pour que nous racontions depuis nos perspectives, ce qui nous manque encore énormément dans le milieu mainstream et pour cause c'est comme ça qu'il marche. Mais néanmoins, dans le travail de société, d'avancée militante, tout le monde ne peut pas s'adapter à notre vécu, ou en tout cas à l'intégralité de notre vécu. Parce qu'on ne peut pas faire ça pour tout le monde, c'est impossible. Un vécu individuel, comme le disait justement cette personne, ce n'est pas une nouvelle théorie politique. Il y aura toujours, par exemple, des activités liées au son, à l'image, au mouvement, alors qu'il y a des personnes qui ne recourent pas à ces sens. Mais l'important, finalement, est-ce que c'est pas que tout le monde puisse embrasser un projet de vie qui lui convienne, puisse être bien dans son corps, dans ses choix vis-à-vis de son corps, de son identité, de décider de ce qui le concerne directement, de partager aussi des choses avec les autres, et d'avoir son mot à dire sur l'organisation sociale. Et du coup, quand c'est nécessaire, quand cette organisation sociale est un peu plus difficile d'accès que telle ou telle spécificité, de pouvoir demander à ce qu'on nous octroie des espaces ou des moyens, des adaptations à nos spécificités. Parce que pour reprendre cette comparaison avec quelque chose de plus physique, le fait qu'il y aura toujours des événements, oui, avec des concerts, du cinéma, etc., qui du coup ne sont pas accessibles pour tout le monde. Mais ce qui me semble important, c'est plus qu'il y ait une diversité de l'offre des choses. De la même manière, même si on peut tous être amenés à un moment de notre vie à faire l'expérience de la psychophobie ou du validisme, mais toutes les souffrances liées à des différences qu'on peut ressentir, elles ne peuvent pas elles seules incarner l'oppression systémique qu'est le validisme ou la psychophobie. Tout ne nous est pas adapté tout le temps, et même dans un monde plus égalitaire, qui serait même dénué d'oppression systémique, la présence d'autrui et de plusieurs autres empêche à un moment la compréhension et la totale adaptation à soi. Et c'est là où, pour moi, on rejoint des questions liées à un idéal et une manière de faire anarchiste qui recherche généralement une forme d'équité, c'est-à-dire pas de stricte égalité, mais aussi d'équité selon les besoins. Et là où ces nouvelles pensées et avancées sur les questions de neuroatypie permettent justement de rentrer encore plus dans le détail des différents besoins, mais sans pour autant pouvoir non plus donner une vérité en soi et en ayant valeur de vérité absolue. Parce qu'il y a aussi des choses qu'on peut concevoir comme sa propre neuroatypie, mais qui finalement en fait sont juste un confort bourgeois. Par exemple, on peut dire qu'on est très fatigué et qu'on n'a pas envie d'aller manifester. Qui met la frontière de, en fait, vraiment on n'a pas la capacité, comme beaucoup de personnes utilisent par exemple la théorie des cuillères, qui a été aussi très galvaudée, donc utilisée vraiment à tort et à travers. Alors de base, ça vient quand même de personnes porteuses de handicap ou de troubles psy, et donc qui n'ont vraiment pas cette capacité d'énergie, etc., et d'autres personnes qui juste ont la flemme. Est-ce qu'on peut considérer que la flemme, elle existe toujours dans un monde où il y a des personnes neuroatypiques? Et ça, c'est un sujet très sensible. Mais en fait, ça implique aussi, du coup, de prendre l'intersection des autres oppressions. Et c'est pas pour chercher des coups, ou la faute à qui ou quoi. Mais je pense que si on veut justement penser une équité et une manière de prendre en compte tout le monde, ben on doit aussi renoncer au fait qu'on arrivera toujours à avoir une vérité qui est le A plus légitime, que c'est pas tant ça la question, c'est plus faire au mieux pour les éléments possibles de personnes et d'avancer ensemble aussi. Mais d'accepter le fait qu'il y aura toujours des conflits, c'est ce que dit Sarah Schulman beaucoup dans ses écrits, notamment dans son livre Le conflit n'est pas une agression, et que les rapports humains et même entre êtres vivants en tant que tels vont créer des difficultés, des obstacles, des incompréhensions. Et je crois qu'en fait, dans notre lutte de l'ensemble des oppressions systémiques, du coup, parfois on ne sait plus voir là où il y a quelque chose de l'ordre de vraiment politique et oppressif à démanteler tout de suite, et des choses qui de toute façon enfin sont, c'est pas qu'il ne faut pas les aborder, mais qui peuvent être abordés sur un plan interpersonnel. Et ça veut pas dire que c'est pas pétri aussi de projections d'autres oppressions systémiques, mais en fait, de retrouver aussi cette part des choses, de faire le deuil, de vouloir tout recatégoriser, et de ne pas juste attribuer des bons points et des mauvais points, des défauts et des qualités. Et pour sortir justement de cette grille de « il y a des grands méchants et des super personnes ». Parce que si on sort pas de cette grille, et ben les mouvements de revendication de neuroatypie, finalement, ils ne servent plus. Ils manquent leur occasion de tout recomplexifier, de nous interroger toujours ce qui est nécessaire pour que la pensée avance. Parce que juste, on va s'en servir pour se justifier soi, au lieu de chercher à créer un avenir commun où tout le monde puisse se sentir le mieux possible. Et pour se départir d'une forme de culpabilisation, aussi parce que bah, justement on sait qu'on n'est pas totalement parti de cette culture binaire du bien et du mal, avec bâton comme épée de Damoclès sur nos têtes, qu'on retrouve très bien dans la cancel culture par exemple, où on se dit qu'à tout moment on va payer pour certaines choses. Comment juger de la valeur morale des personnes? Qu'est-ce qui fait qu'une personne est bonne ou mauvaise? Vous l'aurez compris, j'aime The Good Place et le personnage de Chidi tout particulièrement. Et dans cette vidéo, donc, je voudrais illustrer sans rien spoiler la façon dont la série aborde les trois grands types de morale normative que sont le conséquentialisme, le déontologisme et l'éthique de la vertu. Retour à la réflexion autour des diagnostics. J'insiste, comme pour l'ensemble des autres récits de vécu, sur la priorité au respect de nos choix individuels et des autonominations, tant pour ce qui se réfère au diagnostic qu'aux possibilités de suivi, de traitement ou aux manières de parler de soi en général. À partir de là, selon les besoins exprimés, tous les types d'approches thérapeutiques ne sont pas adaptés à tout le monde. Déjà, rappelons que les approches thérapeutiques institutionnellement reconnues sont toujours empreintes des mêmes biais culturels, sociaux et donc normatifs dont je parlais plus tôt. On retrouve en France par exemple toujours une grande présence des approches psychanalytiques. Pour celles qui auraient peur de confondre la psychanalyse avec le reste des thérapies, la psychanalyse est bien celle inventée par Sigmund Freud, traditionnellement menée en allongeant à une patiente sur le divan pour qu'elle parle aux psychanalystes derrière par association d'idées. Ça, c'est un peu le gros stéréotype. L'analyste n'intervenant que très peu dans le dialogue. La psychanalyse dans l'ensemble des mouvements sociaux est assez clivante. C'est-à-dire que les personnes, souvent, ou y adhèrent totalement, ou la rejettent en bloc. De manière générale, moi je me situe plutôt dans une approche très critique et méfiante de la psychanalyse, notamment parce qu'elle a encore bien trop de puissance à mes yeux vis-à-vis d'autres analyses. Néanmoins, il me semble important de rappeler que la psychanalyse est très large et diverse. Elle n'équivaut pas qu'à la stricte pensée de Freud. Ses disciples ou collègues ont été nombreux à le critiquer ou à revenir sur de nombreux préceptes, que ce soit Lacan, bon, qui n'est pas le must non plus, Jung, etc. Le mérite de Freud est sûrement d'avoir mis en mots et popularisé la notion d'inconscient que de nombreuses personnes, notamment philosophes, pressentaient jusque-là. Il a également initié des pistes de réflexion intéressantes faisant des ponts entre les héritages familiaux, l'inconscient et les interactions de l'ensemble de ces phénomènes avec le langage, la constitution de soi. Mais lorsque Freud catégorise et cherche à son tour à distinguer des déviances du normal, il manque là sa propre remise en question et l'analyse de bon nombre de facteurs socio-culturels qui ont déterminé ses propres concepts. Son essentialisation du genre et leur enfermement dans une binarité, le recours systématique au prisme sexuel, la pathologisation des orientations sexuelles non hétéro et le poids à sa propre interprétation des symboles, sans chercher à prendre en compte d'autres variables, c'est autant de choses qui fâchent et qu'on a plus qu'intérêt à interroger. Et pourtant, la psychanalyse continue d'être enseignée presque comme une science exacte, ce qui renforce les visions qui étaient déjà culturellement normées et dominantes, notamment autour des questions de genre, des relations familiales, d'orientation sexuelle, etc. Ce qui explique aussi en partie que tant de personnes de nos minorités de genre, d'orientation sexuelle et de famille ont un peu du mal à avoir des psys qui sont très imprégnés de la psychanalyse. À côté de cette spécialité psychanalyse encore très prisée en France, on trouve la profession des psychiatres. Alors, elles, c'est celles qui sont remboursées par la sécurité sociale, sauf pour celles qui ont aussi des dépassements d'honoraires, donc c'est-à-dire une partie qui n'est pas remboursée, c'est-à-dire les secteurs 2, 3. Les psychiatres ont un statut de médecin et elles travaillent directement à déceler les pathologies psychiques et à tâcher de les guérir ou au moins à les stabiliser. Pour cela, elles ont recours massivement au diagnostic sur la base notamment de manuels comme le DSM-5 qui vient des États-Unis. L'action psychiatrique est donc très localisée sur l'observation de symptômes et sur la manière d'agir sur ces derniers. La faille, bien sûr, c'est que les manuels et les enseignements ne sont pas eux-mêmes questionnés au prisme des normes culturelles, sociales et dominantes, des croyances préexistantes en matière de genre, de race, de validité, qui, elles-mêmes, résultent encore une fois des structures et des dynamiques de pouvoir en place. La psychiatrie, en s'enfermant dans sa position de tout-sachant, et en cherchant à reproduire une approche assez mécanique du reste de la médecine occidentale, manque beaucoup d'actualisation et de croisement avec d'autres variables sociales, culturelles, environnementales, transgénérationnelles, voire non reconnues comme scientifiques en Occident, tels que certains phénomènes spirituels, astrologiques, etc., qui pourraient être aussi tout à fait valables pour certaines personnes. La psychiatrie est elle-même différente de la neurologie, qui, là, se base quasi exclusivement sur ce qu'on observe dans le cerveau, d'un point de vue presque organique ou chimique, et donc la neurologie agit directement sur le cerveau. La psychiatrie, elle, de son côté, elle émet des hypothèses. Elle considère la psyché au-delà de ce qu'on pourrait directement observer avec des scans, des radios du cerveau. Enfin, la psychologie, elle, croise plutôt différentes approches thérapeutiques occidentales, comme la psychanalyse, et parfois non occidentales. Cela dépend des spécialités des praticiens, praticiennes. L'idée n'est pas, dans la psychologie, de guérir la personne qui vient, mais plutôt de l'aider à comprendre ses propres fonctionnements, pour éventuellement les changer, et pour mieux vivre, en gros, dans sa peau. Pour cela, elle intègre plus de variables que la psychiatrie. Par exemple, elle prend en compte les contextes dans lesquels évolue le sujet. Elle insiste notamment sur ce qui est en changement, en évolution. Elle cherche moins à catégoriser les individus. Elle n'a en même temps aussi pour cela pas de statut médical qui permette que les séances de psychologie soient remboursées. Ça ne permet pas non plus aux psychologues de prescrire des ordonnances, c'est-à-dire de permettre aux patientes d'avoir des médicaments qui vont directement agir chimiquement sur leur cerveau. Les psychologues n'ont pas pour rôle d'émettre des diagnostics, mais elles peuvent, par expérience, réorienter les patientes vers certaines pistes si elles estiment que mettre des mots sur des troubles peut aider ces patientes. À noter que certaines séances de psychologie, selon les mutuelles de santé qu'on peut prendre, peuvent être remboursées par nos mutuelles privées. Mais là encore, on voit bien qu'il y a une question de classe dans l'accès à ces soins de psychologie. Donc les diagnostics, en ce qui les concerne, ils doivent plutôt être apposés par des psychiatres, souvent via différents tests, et c'est ça qui leur permet d'être formellement reconnus et d'être ensuite pris en compte par le système de la sécurité sociale, ce qui peut par la suite donner par exemple lieu à des demandes d'allocation spécifiques comme l'AAH, etc. Souvent, plus que des diagnostics, les psychologues de leur côté vont nous aider à comprendre quels sont les types de fonctionnement qu'on met en place face aux difficultés qu'on rencontre. Est-ce qu'on a plutôt par exemple des stratégies de contrôle, de fuite, de simulation de mort? Comme me l'expliquait une des psychologues de mon entourage, nous avons tous le recours à des stratégies pour faire face à la fois aux autres, au manque de sens que l'on ressent, au traumatisme, et nous avons tous le besoin d'échapper à une certaine dose de stress que notre organisme ne peut maintenir en continu. Lorsqu'on est enfant, cela peut passer plutôt par l'imagination, là où, quand on est adulte, on peut le remplacer par d'autres choses comme les substances, l'hyperactivité, etc., etc. Malheureusement, la plupart des thérapies sont elles aussi très cloisonnées et elles manquent d'intégrer de nombreux autres facteurs. Elles manquent souvent beaucoup d'éléments contextuels, sociologiques aussi, environnementaux, etc. et s'enferment un peu dans certaines perspectives au lieu de dialoguer avec d'autres spécialités qui pourraient les enrichir. La psychologie a elle aussi ses croyances, ses grilles d'analyse et elle reste notamment chez nous, c'est-à-dire en Occident, très empreinte des normes oppressives blanches, hétérocis normées, patriarcales, sans compter que tout psychologue parle toujours aussi depuis une position non neutre, avec ses propres perceptions, sa trajectoire, ce qui peut engendrer des projections. En fait, finalement, il ne fait qu'avec ce que les patientes lui disent, il ne sert pas à tout ce qui se passe dans la vie de la patiente, il n'a pas accès à tout, ni à ce qui se passe dans sa tête. Donc il est compréhensible que la thérapie psy ne soit malheureusement pas adaptée à tout le monde. Et surtout que chaque personne puisse avoir des besoins différents en termes de thérapie, si thérapie elle souhaite suivre. Pour revenir au sujet sensible des pensées suicidaires, c'est un sujet qui n'est pas possible d'aborder avec tout type de psychologue et de thérapie. Avec certaines personnes, on va pouvoir parler du désir de mourir, de ses souffrances, voire même détailler, expliquer la manière dont on voudrait préparer sa mort, etc. Ce qui peut être très important pour beaucoup de personnes, parce que là où ça fait très peur à la société, ben, ça peut être aussi des manières d'ouvrir d'autres perspectives, parfois de se redonner à soi le souhait de vivre. Le rapport à la mort, souvent, il est très catégorisé, comme soit il y a des personnes qui veulent absolument mourir et, entre guillemets, qui passe à l'acte et qui réellement se suicide. Et pour les autres, il y a souvent l'interprétation qu'en fait, c'était pas vraiment souhaité, que c'était des appels au secours, etc. Ça, c'est un peu de la psychologie de comptoir. En réalité, des rapports à la mort et des envies de mourir, il peut y en avoir une infinité et pour plein de raisons différentes et de durées différentes avec des intensités différentes. Pour certaines personnes, d'avoir la mort comme option toujours possible, c'est une façon d'avoir un certain filet de sécurité, une manière de se réapproprier sa vie. Un souhait que l'on retrouve chez beaucoup de personnes qui témoignent de pulsions morbides, par exemple. Pour des personnes, pouvoir parler de son envie de mourir et de sa manière de préparer sa mort, c'est aussi cathartique. Et ça peut permettre d'agir sur un mal-être qui était essentiellement issu d'une incapacité à pouvoir parler et à dire sa propre vérité. Bon, cela étant dit, et pour en revenir plus spécifiquement au sujet des diagnostics, ceux-ci permettent donc à beaucoup de personnes de mettre des mots sur des ressentis, notamment des souffrances, sans avoir à tout réduire au strictement social, ni au strictement médical, mais en énonçant tout simplement un point de vue situé qui appelle à des prises de considération spécifiques. Le diagnostic devient alors un possible marchepied pour se rapprocher de personnes ou de solutions qui pourraient nous faire écho. Cela permet de se sentir moins seul, moins honteux, honteuse ou coupable de nos différences. Mais il y en a d'autres qui vont trouver tout ça dans l'astrologie, et c'est très bien aussi. Depuis que j'ai lu tout le descriptif du lion ascendant scorpion, je comprends bien pourquoi je fonce toujours dans le tas, quitte à me brouiller avec tout le monde. Parfois c'est cool pour faire bouger les choses, ça concrétise des actions, ça fait péter des tabous, parfois c'est juste archi lourd pour mes proches parce que je sais pas assez prendre du recul. Ben tout ça, on y croit, ou pas, que les astres aient une influence sur nous. Et on croit ou pas aux différentes croyances, religions, et la science est aussi basée sur de fortes croyances. Donc les diagnostics aussi, en un sens. Sans vouloir tout renvoyer dos à dos non plus, parce qu'il y a quand même des choses sur lesquelles on a un peu plus de tangibilité, de preuves, on va dire, observables, que d'autres. Mais c'est important de se rappeler que tout ce qui est diagnostiqué, c'est toujours par l'interprétation subjective de signes particuliers par des médecins. Bref, à côté de ça, et à côté du fait que je me retrouve assez bien dans mon horoscope, je me retrouve aussi bien dans beaucoup de choses liées à des vécus neuro-atypiques. Ça, je m'en suis rendu compte en lisant sur les forums et les sites comme InfoKiosk ou Zinzine. Mais je ne prends pas non plus tout pour argent comptant. Je sais que mes comportements, ils évoluent, ils changent aussi selon les interactions sociales, mes différents conditionnements, les stress extérieurs que je peux expérimenter. Et dans tous les cas, qu'on soit bien clair, trouver des explications à un comportement, ce n'est pas nier les responsabilités individuelles. C'est important de pouvoir aussi rendre des comptes sur nos actions personnelles. Et c'est pas parce qu'on nous dit qu'on a blessé quelqu'un que ces personnes qui nous disent ça sont psychophobes. Ce qui est psychophobe, ce serait nous ramener qu'à cet aspect psychologique aussi de nous-mêmes. C'est important de garder à l'esprit, je crois, que tout ce qui peut influer une personnalité, c'est forcément complexe. Et d'ailleurs, c'est pas que la personnalité qui va déterminer qu'on agit de telle ou telle façon. Il y a toujours des contextes. Ça fait des siècles que des philosophes, psychiatres, neurologues, sociologues, théologiens, écrivains et médecins en tout type essaient de comprendre ça. Et ça fait presque tout autant de temps que des gouvernanteux, puis des entreprises, y piochent au pif ce qui les arrange. Les facteurs ne sont pas des excuses à nos comportements. Elles sont des éléments qui permettent de mieux se comprendre. On ne peut pas travailler sur tous les aspects de tout le monde. Par contre, selon l'environnement, les autres conditions sociales, etc., on peut parfois minimiser l'impact de certains facteurs par rapport à d'autres, si cela apparaît nécessaire. Enfin, il est important de rappeler que les diagnostics officiels, médicaux, sont très chers. Ils évoluent régulièrement selon l'avancée des recherches. Et ne soyons pas dupes, les recherches sont elles-mêmes orientées selon des croyances politiques et des pressions économiques. Donc il n'y a pas non plus tout type de diagnostic pour lesquels la recherche avance au même rythme. Le fait même de se demander si la cause de nos mal-être est d'origine psy, neuronale ou autre, c'est forcément favorisé par la position dans les rapports d'assignation raciale, de classe et d'autres types de privilèges selon les cas. Tout le monde n'a pas les dispositions permettant de s'arrêter 2 secondes, de s'arrêter 2 heures pour considérer son vécu et son mal-être psychologique comme une donnée à part entière qui mériterait de l'attention. D'autant plus si notre mal-être psychologique, il s'intègre lui-même à d'autres mécanismes d'oppression comme le racisme, le classisme, etc. En dehors de ça, on peut aussi ne pas vraiment avoir besoin, si on n'est pas en quête de réponse sur ce qui nous fait mal, ou qu'on pense juste pouvoir trouver ses réponses ailleurs, dans la religion, l'astrologie, la biologie, peu importe. Parfois aussi, on a des mal-êtres, mais on a surtout besoin de juste pouvoir parler pour extérioriser, et du coup trouver une interlocutrice qui aide à mettre nos ressentis en forme, et on peut aussi trouver du coup ce support et cette écoute, autre part que dans un cabinet de psy, que ça soit autour de soi, dans ses cercles proches, sa famille, ses amis, au confessionnat, dans des groupes de parole, peu importe. Mais quand elles viennent ici, les clientes, elles parlent. Mais au moment de payer, elles ressortent, elles ont un brushing beau comme le tien, ou des mèches, ou tu vois. Ou par exemple, le hammam. Elles viennent, elles parlent, te cassent la tête. Mais elles ressortent, elles sont toutes propres. Et de chez toi, les gens, quand ils sortent avec quoi? Ça dépend. Chacun repart avec quelque chose que lui appartient. Ça coûte combien? Ça dépend. Ça dépend. Il faut changer de disque. Ça dépend de quoi? Des situations de chacun. Je m'adapte, voilà. Vas-y, dis-leur. C'est un peu comme un voyage. Un voyage dans soi qui permet de trouver une porte sortie pour aller mieux. Et si je fais ce voyage avec toi, vous me garantissez que je n'aurai plus de difficultés dans ma vie? Non, je ne dis pas que les difficultés vont disparaître. La psychanalyse transforme la nature des difficultés. Parler de ces difficultés à quelqu'un, c'est déjà leur donner un autre statut. Comme toi, vous avez compris. Si vous avez des questions... Oui, on va essayer, merci. Et tout ça, ça nous ramène enfin sur la dernière question, et dernière aussi barrière très située de l'accès au diagnostic, qui est du coup le sentiment de légitimité. La légitimité à 1. S'estimer dans une souffrance psy nécessitant un appui ou un diagnostic extérieur au milieu des autres membres de sa communauté qui galèrent aussi. Le fameux pourquoi moi j'irais prendre le temps d'avoir une séance de psy alors que de toute façon tout le monde galère autour de moi de la même manière, qu'est-ce qui me rend plus malheureux et légitime que les autres à aller avoir du soin? Deuxièmement, sur cette question de la légitimité, il est important de ne pas oublier que la médecine psy qu'on a actuellement, elle est clairement très blanche et bourgeoise, et du coup il y a une grande partie de la population pour qui elle ne résonne certainement pas, et pour qui aller voir les représentations de cette médecine psy, ça peut être synonyme de se rajouter une dose de violence supplémentaire. Et enfin, comme déjà évoqué, il faut donc avoir les moyens financiers pour recourir à ces thérapies. Et donc même si les séances avec les psychiatres sont remboursées par la Sécu, ça implique parfois de devoir passer par un médecin généraliste pour trouver une bonne psychiatre. Et de manière générale, donc ça demande d'avoir une Sécu, parfois d'avoir des mutuelles, ça demande d'avoir du temps pour prendre des rendez-vous, de s'accorder ce temps, des déplacements, etc. Donc quand même des ressources de temps, d'énergie et de priorité à mettre là-dessus que tout le monde ne s'octroie pas et ne peut pas s'octroyer. Et enfin, sans compter même parfois le fait de juste avoir les bonnes infos de vers qui se tourner, et surtout quand on est minorisé sur plusieurs points, l'énergie de chercher quelqu'un à une qui va pas risquer en plus de véhiculer d'autres oppressions supplémentaires. Après, ça veut pas dire que les personnes qui parlent de leurs troubles psy sont forcément les plus privilégiées. Il y a forcément un privilège à pouvoir mettre en mots, mais parfois aussi, il y a juste pas la possibilité de faire autrement. On est obligé, pour pouvoir parler et essayer de s'assurer une forme de sécurité dans nos interactions sociales, de nommer les choses, parce que de toute façon, ça va déborder en public, et parce que de toute façon, on est toujours dans la performance. Après, les mots que l'on va mettre dessus, ça va forcément dépendre des outils qu'on a pour expliquer. Enfin bon, même si toutes les conditions optimales sont cochées, et que les personnes les plus minorisées, précarisées, racisées, porteuses de handicap, etc., parviennent à checker l'ensemble des conditions et obtiennent la réalisation d'un diagnostic, Celui-ci va sûrement être différemment orienté selon les projections des médecins. Et là, on retombe sur les biais racistes, validistes, classistes, sexistes, qui sont hérités de notre culture sociale et des études de ces médecins. Yes. I am the maniac, I am the ghoul. I'm in the shadows in the corner of my room. This is my new hideaway. This is my tomb, this is my coffin. This is my place for unruliness, no worries. I love the darkness, yeah, I like to marry it. It is my cloak, it is my shield, it is my cape. I love the dark, maybe we can make it darker. Give me a marker. Il n'y a qu'à voir les polis de médecine qui demandent à chercher des infections, des troubles différents chez des personnes qui sont issues de parcours migratoires, par exemple. On sait, grâce aux nombreux témoignages et aux racial studies, que les personnes racisées, notamment noires, sont par exemple moins crues que les personnes identifiées comme blanches. La colère des personnes racialisées et des personnes perçues comme féminines est également davantage pathologisée, là où à l'inverse, des personnes d'état civil féminin sont bien moins diagnostiquées sur le spectre autistique, tant les différents critères établis sont proches des stéréotypes du genre féminin. Dans le même esprit, on peut observer une certaine entente de classe entre médecins et personnes qui partagent les mêmes codes sociaux bourgeois, qui vont tendre à ce que des schémas de pensée et des capacités cognitives apparemment différentes de la norme soient, pour les personnes de leur milieu bourgeois, plutôt valorisés. Et là, on va du coup plutôt taxer les gosses de classe moyenne de HPI, au potentiel intellectuel, ce qui est plutôt valorisant finalement, en tout cas dans les termes. Et je me permets de cracher parce que j'ai failli en faire partie. Mais à côté de ça, d'autres personnes qui manifestent des éléments de comportement rapprochés, qui auraient peut-être un QI tout aussi important, mais qui sont plus minorisées, vont être rattachées à d'autres types de diagnostics qui mettent en avant plutôt le côté débordant de, par exemple, leur activité, leur trouble de l'attention, etc. Et donc avoir d'autres types de diagnostics. Je critique ici le fait que le diagnostic HPI soit inégalement distribué selon les classes sociales et aussi son qualificatif en tant que tel qui, en mettant l'accent sur un haut potentiel intellectuel, valorise quelque chose et du coup aussi discrédite et invisibilise une autre forme de mal-être et éteint une toute contestation sociale possible. On passe dans l'autre écueil, là où d'autres diagnostics peuvent être très pathologisants et vraiment infériorisants pour les personnes, voire déshumanisants. Bah, là, on fait un peu de ces individus des super-héros, des super-héroïnes qu'on admirerait, qui seraient super forts, mais du coup, on leur refuse tout droit à parler d'autres plans sur lesquels elles pourraient être plus inadaptées. Et il y a une sorte de fascination et de hiérarchie qui se fait aussi entre les différents types de diag. Alors, même que justement, le problème, il est généralement très lié à un même système. Pour les personnes qui n'ont pas les moyens financiers et l'énergie de se confronter au milieu médical, de nombreuses personnes vont alors avoir recours à l'autodiagnostic. Et donc, en faisant leurs propres recherches, en échangeant avec des personnes avec des vécus similaires. Ces échanges sont notamment facilités par les forums et les réseaux sociaux. Un petit rappel du coup à ce sujet, personne d'autre que soi-même n'est légitime à nous attribuer tel ou tel diagnostic. Même n'importe quel professionnel de santé, tant qu'on ne l'a pas sonné à ce sujet, il n'a pas à nous sortir des étiquettes de son chapeau magique. On entend souvent les mêmes phrases bateaux comme « on devrait pas se fier à tout ce qu'il y a sur internet ». Mais d'une part, cette posture devrait s'appliquer à n'importe quelle autre personne, média ou organisme qui se prétend vectrice d'information. Alors pourquoi est-ce qu'on se fierait au premier médecin venu, qui connaît peut-être pas toute notre vie, ou à n'importe quelle autre phrase du sensationnaliste d'un journal? Que ce soit des médecins, des proches, des médias, des bouquins, il n'y a de toute façon pas de vérité absolue, et l'objectivité scientifique n'existe pas. Donc vérifier ses sources, ne pas jurer tout par une seule personne, ça peut sauver de manière générale de pas mal de situations risquées, c'est sûr. Mais on n'a pas non plus toujours la possibilité ni l'énergie de faire ce travail, parce que c'est un véritable travail, de croiser et de vérifier nos informations. Parfois, on a aussi envie et besoin de pouvoir s'identifier à quelque chose, de trouver une explication, même partielle, qui nous satisfasse. Tout ce qu'on peut souhaiter, c'est que si on a des informations superficielles ou erronées, bah, ça ne nous porte pas préjudice. Ça ne conduise pas, par exemple, à mener des personnes vers des solutions encore plus vénères, à être manipulées par certains groupes pharmaceutiques ou autres, ou par des charlatans qui servent surtout leurs propres intérêts au détriment de notre santé et de notre sécurité. Donc si vous avez des doutes concernant les sources auxquelles ont recours vos proches, autour de vous, le mieux c'est de rester près d'eux, de les entourer, de les écouter, pour pouvoir maintenir le dialogue en les laissant toujours être ultimes décisionnaires des soins qu'elles souhaitent et de ce à quoi elles s'identifient. Cela étant dit, dans mon cas précis, en plus des violences et stigmatisations sociales, médicales, culturelles que les personnes neuroatypiques peuvent vivre, l'une des difficultés majeures, c'est de pouvoir vivre avec les autres en tant que personne militante, anticapitaliste, qui est carrément contre tout ce qui relève de l'intégration méritocratique. C'est-à-dire, en gros, que je suis en guerre contre à peu près toutes les injonctions d'adaptation à ce système. Et ça, ce côté oppositionnel, je refuse qu'il soit psychiatrisé. Là-dessus, je rejoins plutôt l'interprétation sociale du handicap, et selon les différentes époques, en ayant bien à l'esprit, et en rappelant que tout au long des différentes époques, les élites médicales, politiques, journalistiques s'en sont données à cœur joie pour venir psychiatriser tout mouvement de révolte et de protestation. Take your medication, Roman. Take a short vacation, Roman. You'll be okay. Oui, la lutte est une façon de faire face, une stratégie, mais face à la vie, il faut de toute façon une stratégie pour retrouver du sens, se maintenir, sans que cela ait besoin d'être pathologisé. C'est clair que ce décalage entre des convictions anti-système et le fait même d'être bien obligé de vivre un peu dans le système, ça crée des dissonances, des mal-être. Ça fait de certaines choses des troubles, des choses qui nous rendent mal ou malades. Parce qu'on vit toujours dans cette société, qu'on le veuille ou non, on baigne dans ses normes, dans ses points de référence. Pour l'instant, j'ai pas acquis l'autonomie et l'indépendance complète de la culture et de la société dans laquelle j'ai grandi et que je respire au quotidien. Et quand bien même je vivrais en marge dans une petite communauté autogérée avec pas nécessairement de normes neurotypiques établies, le simple fait de vivre avec des gens, ça implique des rapports de pouvoir, des intérêts, des envies qui sont pas forcément compatibles entre elles. Et donc ça produit des conflits qui eux-mêmes vont à des compromis, à des renoncements à faire au quotidien. L'incontournable liberté qui s'arrête là où commence celle des autres. Car si l'intime est politique, le politique ne peut pas être la somme de tous les intimes. Et ça repose la question anarchiste du consensus. Est-ce que le consensus doit toujours être absolu? Et à titre personnel, je pense qu'il est important de toujours le rechercher et d'être à l'écoute, justement. Mais qu'un consensus de masse comme règle pour tout le temps, bah, ça le pousse juste à l'inertie et ça finit par insatisfaire tout le monde. Que l'idéal, ce serait de pouvoir s'extraire des conséquences des actions, des conséquences des décisions auxquelles on n'a pas adhéré. Sauf que bah, dans les faits, même si on n'y a pas adhéré, souvent on en subit des conséquences par ricochet. Mais je vois ça aussi comme un état de fait, un état des choses dans l'environnement de manière générale. Dans n'importe quel écosystème, on ne décide pas de tout et on subit des aléas. Et de ne pas confondre la liberté comme pouvoir tout faire et pouvoir mettre son modèle comme règle absolue, mais aussi comme une liberté de ne pas avoir la responsabilité de tout ce qui nous arrive aussi, et de tout ce qui se passe. Et ça, en tout cas, moi, j'y arrive dans mes réflexions anarchistes grâce aux écrits de militantes neuroatypiques beaucoup et antipsychophobie. Il faut toujours s'attendre à devoir faire face à des violences qu'il va falloir désamorcer ou, si c'est possible, guérir. Sarah Schulman explique que le confort absolu n'est pas possible puisqu'il implique l'absence totale de l'autre. Et encore heureux en un sens, car je vois pas trop à quoi ressemblerait la vie sinon, en tout cas, celle en communauté. Et imaginez si en plus on pousse pour sortir de l'anthropocentrisme, c'est-à-dire d'une vision de communauté qui ne rassemblerait pas que des êtres humains haines, mais qui s'étendrait à l'ensemble des éléments vivants, voire non vivants. Et donc oui, ma neuroatypie, je la revendique en utilisant aussi les mots du pouvoir que je me réapproprie, justement, pour le saboter à terme, ou même directement d'ailleurs. Après vient la question de comment organiser nos neuroatypies entre elles, comment faire société finalement, et c'est un peu la question à 4 milliards de siècles d'expérience humaine. Je me souviens que quand je jouais enfant à imaginer des scénarios dans lesquels mes héros, héroïnes, trouveraient des moyens de sauver le monde, voir l'univers de tous ces problèmes et des questions existentielles, il y avait toujours cette question dans ma caboche de gosse de 6 ans. Mais est-ce que c'est vraiment possible? Est-ce que c'est vraiment souhaitable? Il se passe quoi une fois qu'on aura fait toute la révolution possible? Bref, de toute façon, on en est bien loin, ça c'est sûr. Mais tout ça pour dire que dans tous les cas, une certaine adaptation sera toujours nécessaire pour fonctionner, vivre, interagir avec les autres. Et il nous faudra toujours des nuances dans ce qu'on peut ou pas demander aux autres, pour prendre à la fois en compte nos besoins et limites à nous, mais aussi celle des autres. Et c'est le nerf de la guerre de la vie sociale. Et même en essayant de tout déconstruire, eh bien, on retombe là-dessus. Et en fait, là, on en arrive donc au cœur de ce que je veux discuter dans ces épisodes, c'est-à-dire comment on recrée des dogmes et comment on les redéconstruit et on les remet en question au sein de nos milieux queer, militants, neuroatypiques. parce qu'on a créé et on en avait besoin des milieux en non-mixité, des formes d'entre-soi, pour que ce soit des petits cocons de marginalos, de genre transpédéguine. À l'intérieur de ces cocons, on a été pas mal à conscientiser des neuroatypies, plus ou moins bien identifiés, plus ou moins avec des entre guillemets vrais diagnostics. Et ces neurotypies, elles sont souvent différentes et parfois contradictoires. Et alors là, ça devient vraiment le bazar et le champ libre aux déchirements, aux auto-culpabilisations ou aux auto-restrictions. Parce qu'en plus de ça, il est important de prendre en compte que dans chaque situation, il y a toujours l'articulation entre l'ensemble de nos privilèges et de nos blessures spécifiques. Et souvent, on a un peu tendance à tomber dans cette espèce de truc de jeu à somme nulle, d'essayer d'avoir une vérité sur qui est le plus privilégié et légitime à tout. Et si c'est des choses qu'il est bien d'essayer d'avoir en tête, faut aussi qu'on fasse le deuil du fait de pouvoir avoir un regard objectif sur ces situations et qu'on se rappelle que de toute façon, comme on n'a pas de vérité là-dessus, ce qu'on peut faire, c'est essayer juste de se comprendre et d'échanger entre humains et haine à des moments. Parce que ça soit en ce qui nous concerne, nous, ou ce qui concerne les autres, les blessures et les privilèges qu'on peut avoir, ils ne se situent pas toujours exactement là où on les perçoit au premier abord. Et puis il y a des privilèges qui peuvent être utiles, même pour les autres, et d'autres dont il est important de se défaire. Et il y en a certains qui peuvent amener à avoir un rapport de culpabilité absolue à tous les privilèges qu'on a, c'est pas non plus très productif et ça fait avancer ni nous, ni les autres, ni les relations, ni la révolution. Bref, tout ça pour dire qu'il y a donc plein de mécanismes cognitifs, d'affect ou autres, et on a tendance à vouloir les simplifier. Parce que c'est ce que nous a permis la théorie, on nous a permis de croire, et en un sens on a pu déconstruire et comprendre plein de choses de ce qui se passait autour de nous et de la manière dont les systèmes fonctionnaient. Mais il y a aussi un peu une illusion là-dedans, l'illusion qu'on pourrait tout comprendre et tout régler, et l'illusion qu'on pourrait du coup avoir toujours un espace safe. Or, et le monde extérieur et le monde intérieur à ces espaces nous rappellent constamment que c'est pas le cas. Et à chaque fois qu'on se prend une claque dans la gueule, c'est encore plus violent, parce qu'on s'y attendait pas trop, ou plus trop. Des lectures comme ça qui mettent le focal sur la psychologie, elles sont importantes, mais tout aussi importantes que ce qui met la focale sur peut-être la biologie, la génétique, ou le sociologique, ou l'environnemental. C'est la fameuse question de justement prioriser la réparation, s'intéresser aux actes, et ne pas chercher à catégoriser les individus comme de bonnes ou de mauvaises personnes. C'est pour ça que je fais ces séries de podcasts. C'est parce que je pense que ce sujet de la psychophobie, des troubles psy, des neuroatypies, c'est un puissant enjeu politique et militant, mais qu'il faut bien l'utiliser. Parce que la grille de lecture antipsychophobe et antivalidiste, elle peut être hyper empouvoirante et éclairer plein de choses là où elle recomplexifie parfois des lectures très simples, même sur d'autres oppressions. Donc elle permet justement de recomplexifier aussi ce qui fait la violence. Mais en même temps, justement, elle peut être dangereuse si elle est utilisée à mauvais escient. Et je dis pas par de mauvaises personnes, parce que je ne crois pas vraiment des mauvaises personnes, mais par contre, je pense qu'il y a des personnes avec des mauvaises intentions et qui peuvent utiliser ça pour justifier ou manipuler. C'est un moyen pour moi, en fait, de reposer sur la table une vieille question politique qui est la responsabilité entre la société et l'individu, quelle place est la banalité du mal ou non. C'est donc vraiment un boulot quotidien de remise en question, qui est aussi épuisant qu'absolument nécessaire, autant sur soi que sur les autres, et sur le fait même que cette remise en question mène à des réponses en tant que telles. Dans les prochains épisodes, j'aimerais ainsi creuser davantage et plus en détail certains des obstacles à nos fonctionnements communautaires et militants, au prisme que je connais le mieux, c'est-à-dire la psychophobie, en essayant bien sûr de prendre en compte ces intersections avec les autres oppressions systémiques, du moins autant qu'elles me sont compréhensibles depuis ma position. Dans le prochain épisode, par exemple, on abordera le sujet des rapports à la violence, et des rapports et des confusions qu'il y a parfois entre des troubles et des traumatismes. Et j'aimerais passer à un certain moment à aussi décortiquer tous les enjeux qu'il y a autour des notions de trigger, qui sont une notion qui est très en vogue dans nos milieux militants. En attendant, je vous souhaite une très bonne semaine, et je vous dis à très vite sur Au bord des corps. Face à face, passe à mer. Fond de ma tête, c'est la nasse. Danse avec sentiment contraire. Ce n'est qu'à rêve, joue sur mon soir. Joue et loup qui me dévore, qui bleu d'enrage. C'est l'impact, j'épouse le seum qui me colle au corps. Dissocie, on m'attend comme suicidaire. Jure sur sa vie, comme on se couche, on fait son lit. C'est moins que rien, c'est quoi demain? Jure que j'y crois, mes promesses. Dans tes yeux, j'oublie. Va pop la face, on me bat de blesse. Avance masqué face à blémophobie. J'lag hypersensible, pyrocleptomonomane. Grouille parmi nuisibles. Compte comme un pet dans du métal et dans vos serres, c'est la merde. Plus crasse que dans mes gogues. Goguenard, quand je me demande pourquoi j'ai arrêté la drogue, existe que sous un. emprises. Cherche toujours mon héroïne, c'est dans vos yeux que je me réalise. Dildo propre quand je t'estime. C'est quoi, viens, on se déchire, on fait péter les cadenas. Sans douleur, y'a pas de plaisir. Si on se détache, je compte pour toi, je commande sincèrement. Je veux un queutru viscéral, je nique le papier bulle. Je veux que ça dans les entrailles, crie encore, ça rend vivant. Claquer serré, montrer les dents. Tu sais que j'en ai jamais assez, crains pas l'enfer, flip du néant. Et mon prosélyte, tu pudeur, arrose-moi une haute sentimentale. Sans comme c'est doux quand on se dévoile, sans attendre d'être à la hauteur. Je sais que seul tout qu'on fait le chemin, mais j'ai si froid dans mon dedans. Faut beau, froid, bon, qu'est toujours. Prenez soin de votre corps, c'est le seul endroit où vous êtes forcé de vivre. ¿Qué es la identidad de género de una persona? Exactamente, ¿cómo se siente? Perdí la tête, où est le chemin de ma ¿Y qué, por quién sentís atracción sexual afectiva? No, oh, por otras mujeres. ¿Ella deja de ser mujer? ¿Por eso? Es imposible disociar nuestra identidad y nuestro cuerpo. El cuerpo para nosotras es una herramienta de lucha. Dans un corps sain. Au bord des corps.